Chapitre 7e, conclusion. Emma, s'écria une douce voix de femme, Henriette, dit à son tour Lady Weymouth, et une pluie de baisers entrecoupés de cris de joie, d'un grésier aux oreilles de l'anglais et du comte perdu dans une demi-obscurité. À ce nom d'Henriette, Lord Weymouth laissa échapper une exclamation vite réprimée et se roula sur un divan en proie à un fou rire. Octave le contempla avec stupéfaction. Après l'avoir interrogé à plusieurs reprises, sans en avoir pu tirer autre chose que ces mots, « je comprends tout ». Le comte prit le parti de s'avancer sur la pointe des pieds et ayant soulevé un coin de rideau, il regarda. Comparé ensemble deux fraîches violettes nées le même jour, deux flocons de neige errant dans l'espace, deux gouttes de cristal qui tremblent après l'ondée sur une feuille de rose, et vous n'aurez qu'une faible idée de la ressemblance inouïe des deux jeunes femmes. Elles étaient évidemment sœurs jumelles, sauf la différence des costumes, on n'eût pu les distinguer l'une de l'autre. Mais, pour l'observateur, la nouvelle venue avait peut-être plus de tendresse dans le regard, plus de grâce et d'abandon dans les poses, plus de mollesse dans les gestes. Elle était en grand deuil, ce qui faisait encore ressortir l'éblouissante blancheur de son teint. Son chapeau et son châle qu'elle avait jeté en entrant livraient sans défense aux yeux ardents d'Octave sa taille élégante, son délicieux visage et la profusion de boucles magnifiques qui se confondaient avec celles de sa sœur agenouillée à ses pieds et qu'elle tenait tendrement enlacée. Enfin, sous sa lèvre inférieure, le comte reconnut le charmant signe noir, niché dans une fossette et posé là comme une mouche de la plus provocante coquetterie. Les deux ravissantes femmes formaient un groupe adorable. Elles causaient à demi-voix et leur babil vibrait sur le cœur d'Octave comme une voluptueuse harmonie. Pour lui, il y avait une énorme différence entre les deux sœurs. Il se demandait comment il avait pu se méprendre une minute. En sentant frissonner sa poitrine à la moindre parole d'Henriette, il se trouvait stupide de l'avoir confondue avec la froide et sévère Lady Weymouth. Tout à coup, Emma, comme à dessein, haussa la voix. Lord Weymouth, dont le rire s'était enfin calmé, vint doucement s'appuyer à l'épaule du comte, et tous deux écoutèrent attentivement. « Et ton mari ?» disait Henriette. « Il va venir. Il est occupé en ce moment, par ordre supérieur. » « Le supérieur, c'est toi, naturellement. Il t'aime donc toujours autant, ce pauvre Georges ?»« Pouh, à sa manière. »« Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'aimer ?»« Georges a la sienne, qu'il dissimule. Il est soupçonneux, jaloux, sournois. »« Saluez, » dit tout bas Octave à Lord Weymouth. « Au demeurant, » fit Henriette en riant, « le meilleur époux du monde. Sais-tu que voilà 4 ans qu'il est mon beau-frère ?»« Hélas, » fit la malicieuse avec un sourire comique, « méchante. » Je brûle de le connaître. Quand il t'a épousé, j'étais déjà aux Indes avec mon mari, et il y a 2 ans, lors de mon dernier voyage, il était en mission, je ne sais où, en Espagne, je crois. C'est joué de malheur. Tu te rattraperas. Mais à propos de ton dernier voyage, il faut que je te gronde. Moi, petite sœur. Oui, toi. Tu as soufflé des ouragans terribles dans mon intérieur. Je ne me savais pas de si rude poumon, et comment cela? En emportant par mégarde mon flacon d'argent. Lord Weymouth l'a cru perdu. Il a fait un beau bruit, va. C'est vrai. Je m'en suis aperçu en route. Mais tu sais avec quelle précipitation je suis parti. Mon mari m'attendait à Marseille, où nous devions nous embarquer. Oui, je voulais te retenir quelques jours. Tu as résisté à toutes mes prières. Le devoir, l'affection, les égards. Monsieur de Verny était si bon, si indulgent pour moi. Monsieur de Verny ? S'écria Octave. Mon vieux cousin de Pondichéry, le nabab ? Ah, malheureux, et moi qui refusais d'épouser sa veuve. Bien, vous voilà joli garçon, répliqua flegmatiquement Lord Weymouth. Ah, disait Henriette, je ne me consolerai jamais de sa perte, doux et spirituel vieillard. C'était pour moi un père, un ami, un protecteur, mieux que tout cela, un confident. Ce qui ne t'a point empêché de le faire attendre 15 jours sur la Canebière. Madame de Verny regarda sa sœur avec effroi. Tandis que toi, petite sœur, tu respirais l'air embaumé de Fontainebleau. Lui as-tu confié cela aussi? Comment? Qui t'a dit? Mon flacon. On l'a retrouvé à l'Aigle d'Or, où tu l'avais oublié, ingrate, et pour se venger, il en a compté de belles. Sérieusement, comment sais-tu? Est-ce que tout ne se sait pas? Et ton beau malade, comment va-t-il? Henriette devint pourpre et se troubla de la manière la plus évidente. Mon malade? Oui, monsieur le comte de aide-moi, j'ai son nom sur les lèvres. « Mais, Emma, je ne sais qui tu veux dire. Petite rusée, n'aie pas peur, aucun indifférent ne nous écoute. Je t'assure que, Et les nuits que tu as passées à son chevet, les as-tu oubliées? Quelle jolie sœur de charité tu devais faire! » Pour le coup, s'écria Henriette, éperdue, ceci tient du prodige. Comment connais-tu ce que nul au monde? Mon flacon, toujours mon flacon! Il n'y a pas de quoi rougir, c'était de la fraternité chrétienne, où je ne m'y connais point. Ne raille pas, Emma, tu en eusses fait autant. Dieu m'en préserve! Et mon tigre de mari, qui eût saccagé tout Fontainebleau le lendemain, il est d'une férocité insupportable. Saluez, dit Octave à Lord Weymouth. Mets-toi à ma place, à Fontainebleau, je me sens souffrante, je m'arrête, et je demande une chambre pour y passer la nuit. Je vois tout le monde en l'air dans l'hôtel. Je m'informe, on m'apprend qu'un malheureux jeune homme est là, blessé, sur le point de mourir. J'entends même prononcer son nom, Octave de Soubran. Tiens, tu te le rappelles, d'autant mieux que M. de Soubran est mon cousin. Ton cousin, plaisantes-tu? Non, vraiment. Ou celui de mon mari, c'est la même chose. Souvent M. de Verny m'en avait parlé comme de son plus proche parent, mais en termes assez vifs. Bah, est-ce que le comte Octave? C'est, paraît-il, un joueur, un libertin, un prodigue. Bref, un agrégé de tous les vices, dit Lady Weymouth. Saluez, dit l'anglais à Octave. Tu vas trop loin, dit Henriette avec un peu d'humeur. D'abord, à cause des convenances, je n'osais aller le voir. Mais au milieu de la nuit, à la pensée que ce pauvre enfant était là, à côté de moi, qu'il se mourait sans amis, sans famille, sans serviteur autour de lui, qu'il était mon parent, après tout, et qu'il serait honteux, que des étrangers recueillissent son dernier soupir, je pris ma bougie d'une main, mon courage de l'autre, et j'allais frapper à la porte de sa chambre, qui se trouvait en face de la mienne. On ne me répondit pas. J'entendais parler, cependant. J'ouvris et j'entrai. Ah, ma chérie, quel spectacle! Il était là, blanc comme un linceul, s'agitant dans un sommeil pénible et prononçant des paroles sans suite. Près de lui, la servante ronflait à faire crouler le plafond. À mon approche, il ouvrit les yeux. « Il a de très beaux yeux, » interrompit gravement Lady Weymouth. « N'est-ce pas ?» dit vivement Henriette, puis s'arrêtant confuse, elle ajouta. « Mais tu le connais donc ? Va toujours, petite sœur, tu ne sauras croire combien ce récit nous intéresse. » Et elle jeta un coup d'œil furtif et malicieux sur la portière de velours qui s'agitait inconsidérément. Henriette reprit. « Il avait un délire affreux, car il me prit pour une apparition, pour l'âme de sa mère, et il m'appela d'une voix si douce, que mes yeux s'emplirent de larmes. Il me parla longtemps et je lui répondis en flattant son rêve. Cela parut lui faire du bien. Enfin, je lui fis boire sa potion et il s'endormit plus calme en tenant mes mains dans les siennes. Quand le jour vint, je me sauvai. Il avait tenu tes mains si longtemps que cela. Henriette eut un charmant sourire. Puisqu'il dormait, dit-elle. Octave voulut s'élancer, Lord Weymouth se cramponna à lui pour le retenir. Où diable allez-vous? Laissez-moi, je n'y tiens plus. Il faut que je me jette à ses pieds. Non pas, on ne nous a pas appelés. Et le lendemain? Demanda Emma. Le lendemain, je ne partis pas. Ni les jours suivants? Il allait chaque jour un peu mieux. Je ne sais pourquoi j'ai attribué cela aux soins que je lui donnais. Je m'en doute, moi, murmura Emma. Et une fois revenu à la raison, te prit-il encore pour sa mère? Madame de Verny baissa les yeux. Non. Il me parla même avec une tendresse, un feu tel que tu juges imprudent de n'y point retourner. Il était sauvé, je partis. Sans lui dire ton nom? À quoi bon? Nous ne devions plus nous revoir. J'allais rejoindre mon mari. Et comme M. de Verny était ton confident, tu t'empressas de lui dire « Tu crois plaisanter ?»« Eh bien oui, je lui confiais tout. Je te répète qu'il n'était pas pour moi autre chose qu'un père, et il approuva ma conduite. Il me fit comprendre seulement que je m'étais compromise en visitant en secret M. de Soubran, et qu'il eût mieux valu m'établir ostensiblement à son chevet. C'est égal. À ta place, je regretterais de m'être intéressé à un pareil mauvais sujet. Un mauvais sujet, tu es sévère. Dame, si le portrait de tout à l'heure est ressemblant, il est exagéré. D'ailleurs, mon mari reconnaissait au comte un grand cœur et une noble intelligence. Oui, mais un prodigue, un joueur, un libertin. Mais Emma, dit Henriette, avec un peu d'impatience. Est-ce que tous les jeunes gens n'ont pas ces défauts-là? Et la preuve que mon mari tenait M. de Soubran en grande estime, c'est qu'il lui a légué toute sa fortune. Miséricorde, que dis-tu là? À la condition expresse de m'épouser. Lady Weymouth poussa un cri de surprise et d'horreur et leva les yeux au ciel. Mais ceci passe toute croyance. qui a pu suggérer à ton mari une idée aussi saugrenue ? » Madame de Vernet embrassa sa sœur en rougissant. « Aïe, aïe, » dit Emma, « aurais-tu poussé les confidences jusqu'à lui dire ?»« Rien, » dit vivement Henriette, « mais je crois, tu crois, que ce noble cœur avait deviné. Que tu aimes Monsieur de Soubran ?» Madame de Vernet ne répondit rien, mais elle sourit. Octave se débarrassa violemment de Lord Weymouth et tomba comme un fou aux pieds d'Henriette. « Le malheureux !» soupira l'anglais en le suivant d'un air consterné. « Il n'a même pas de cravate. » Le bonheur avait rendu Lord Weymouth au sentiment des convenances. Octave couvrait de baisers délirants les blanches mains qu'on lui abandonnait languissamment. « Lui, ici !» murmurait la voix faible d'Henriette, prête à s'évanouir de surprise. Et Madame de Verny, pâle, tremblante, tourna vers sa sœur un regard de doux reproche. Mais Emma ne vit pas ce regard. Elle était dans les bras de son mari, qui murmurait, ivre de joie. « Me pardonneras-tu mes soupçons ?»« Ah » répliqua-t-elle, « j'ai failli les payer cher. Aussi je n'ai pas le courage de t'en vouloir. »« Si je n'avais ce matin déchargé tes pistolets, c'était toi ?» Emma mit un doigt sur ses lèvres. « Ma chère sœur, » dit-elle tout haut, « permets-moi de te présenter Lord Weymouth, ton beau-frère. Quant à Monsieur le comte de Soubran, je vois qu'il sait agréablement se présenter lui-même. » Octave se releva un peu confus et Madame de Verny s'approcha affectueusement de Lord Weymouth, qui lui dit en souriant « Chère sœur, vous êtes comme les hirondelles, vous apportez le printemps. Mais comment m'acquitter du bonheur que je vous dois ?»« Que voulez-vous dire ?»« Ceci est un secret que vous expliquera mon ami quand vous lui aurez accordé votre jolie main. »« Ma main ?» murmura Henriette avec malice. « Monsieur de Soubran l'a formellement refusé, et vous n'espérez pas, je pense, que je l'épouse de force. » Il montra la lettre qu'Octave avait écrite l'avant-veille au notaire. « Ah, madame !» s'écria le comte, « vous savez bien que j'ignorais. Je m'en porte garant, » dit Lord Weymouth. « Épousez, épousez, chère sœur. Diable, un homme qui a refusé une veuve archimillionnaire parce qu'il croyait en aimer une autre. Cela ne se voit pas tous les jours. » Et puis, ajouta Emma, après lui avoir sauvé la vie, « vas-tu le laisser mourir de chagrin ?» Madame de Verny regarda Octave. Le pauvre garçon était en proie à la plus atroce anxiété. « Allons, » dit-elle, « puisque vous vous mettez tous contre moi, il faut bien que je me décide. » Et elle tendit sa main au comte qui, fou de joie, y imprima ses lèvres brûlantes. Lord Weymouth le prit par le bras et l'emmena dans un coin. « Ah ça » murmura-t-il à son oreille, « il paraît que décidément nous ne nous tuerons pas ce soir. » « Ma foi, non. Ni ce soir, ni jamais. Je vais commencer à vivre. Ce n'est point le moment de mourir. Ah, les trois souhaits de ce matin m'ont porté bonheur. Quels souhaits ? Je vous dirai cela plus tard. Car nous ne nous quitterons plus, n'est-ce pas ? Quel ravissant intérieur nous allons faire à nous quatre ? Non pas, dit vivement Lord Weymouth, je retourne en Angleterre. » Il ajouta par lui, « Elle se ressemble trop. Je crains les méprises. » À quoi tient le bonheur ? Soupira philosophiquement Emma. Pour le détourner de sa route, il suffit parfois d'un grain de sable. Ou d'un grain de beauté, pensa le comte. Ainsi s'achève Le Flacon d'Argent par Eugène Berthoud.